Radio Pique-Nique en live, en direct du Bruxelles au studio à la rue de l'Instruction. Avec moi, il y a Kanzai, mon ami de Ouagadougou. On a fait un petit jam là, juste avant. Kanzai, on vient de parler un peu sur la musique, sur l'imagination musicale. Comment ça se passe chez toi quand tu es en train de conceptionner un morceau? Comment ça se passe chez toi, le processus de la composition? Alors bonjour Simon, c'est un plaisir de se retrouver dans ton studio, dans ta planète musicale donc que j'affectionne beaucoup. Eh bien écoute, moi quand je compose de la musique, je m'abandonne. Ouais, je peux dire que je m'abandonne à ma propre impression sentimentale par rapport à là où je veux aller. Voilà. Ça veut dire le plus souvent on dit s'il y a un thème précis ou une couleur que je veux ou que je n'ai pas, je me laisse aller à une empreinte primaire de début, et à la base de cette empreinte, je vais pouvoir développer une deuxième et une troisième et une quatrième empreinte. Et ensuite, je vais vouloir à la fin pouvoir présenter toutes ces empreintes pour faire joli, pour faire beau. Et là, en ce moment, on va dire, je vais éditer donc ces différents motifs que j'ai eu à partir de la première impression. Et voilà. Ça peut continuer pendant longtemps, mais au bout d'un moment, il faut se dire qu'on peut quand même être satisfait. Au bout d'un moment, dire oui, bon, voilà, j'ai quelque chose que je peux présenter. Voilà. Donc, pour moi, l'imagination, c'est un peu, si je dois le caricaturer, c'est comme quelqu'un qui comprend une langue, mais qui ne peut pas le parler. Donc ça veut dire tu comprends la langue, les gens parlent, tu comprends, mais tu ne peux pas traduire. Alors nous les musiciens, on comprend, on entend, on comprend cette langue et on peut le traduire musicalement. Donc dans le fait d'aller pour traduire ce qu'on entend, ce qu'on sous-entend, ce qu'on imagine, ce qu'on voilà, ça ce n'est jamais la même chose avec ce qu'on sent, parce qu'on ne peut pas avoir toute l'émotion, toute l'émotivité du début, c'est vrai, mais on parvient à sortir le substrat musical et qui fait qu'on peut présenter l'idée et expliquer. Et c'est ça. Après, il y a des questions. Et les questions, mais comment vous avez créé ça? Eh bien, parce que j'ai pensé à parce que j'ai imaginé que... Parce que voilà. Bon. Quand tu as des imaginations musicales, tu as des mélodies précises en tête, tu as des instruments qui jouent dans ta tête? Ça dépend. Des instruments, c'est trop dire que tu entends des instruments précis, mais des fois tu as comme une présence sonore. Voilà, peut-être que tu as une présence sonore que tu peux pas expliquer, et voilà, c'est peut-être un son que tu as déjà entendu. Parce que ton esprit, moi, mon esprit, je crois, hein, je pense à mon âme, que l'esprit a tendance à reproduire les sons qu'il a déjà entendus. Mais il ne peut pas reproduire exactement les mêmes sons qu'il a déjà entendus parce qu'il y a beaucoup de sons et tous ces sons se mélangent et donnent une impression sonore dans laquelle le compositeur se retrouve forcément comme un sculpteur qui doit maintenant sculpter quelque chose dans cette matière. Donc je peux dire oui, des fois on entend, on est dans une présence sonore qui est dans la tête, c'est une mélodie qui est dans la tête, qui tourne, et on a envie de partir de là. On se dit mais pourquoi elle est là? Pour qu'elle s'en aille, il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on s'en approprie. On a l'impression que pour guérir de cette mélodie qui tourne dans la tête, il faut qu'on s'en serve. Il faut qu'on le, comme disent les docteurs, il faut qu'on exorcise cette mélodie, il faut qu'on travaille avec cette mélodie pour pouvoir libérer la musique. Quant à cette mélodie en tête, est-ce que tu continues à construire tu vois, la base musicale autour de ça dans l'imagination? Ah non, c'est très dur. Pour moi, ça se passe, ça c'est des souvent c'est très très court. Ouais. Alors, parce que il y a la mémoire de cette mélodie, elle n'est pas facile. C'est comme quand nous rêvons, quand on dort, on se réveille. Des fois, on se rappelle de quoi on a rêvé, de quoi on sait qu'on a rêvé, mais on ne sait pas c'était quoi. Alors, cette mélodie, elle est éphémère. Elle est comme quelque chose qui disparaît si on ne voilà. Et donc là, il faut avoir la présence d'esprit de se dire, ah oui, j'ai envie d'enregistrer, de l'imprimer tout de suite pour ne pas oublier que voilà. Donc il faut la garder, il faut l'attraper tout de suite, sinon voilà. Sinon, voilà, à partir du moment où on l'a attrapé, oui, on peut faire plein de choses avec. Et quand il y a cette traduction de l'imaginatif à l'instrument, c'est plus ou moins la même chose, ce qui sort. Oui, c'est plus ou moins la même chose, sauf que il y a le contrôle n'est pas le même. Le contrôle et la vitesse d'exécution n'est pas la même chose parce que l'esprit est plus vite que nous dans l'expression de notre musique. L'esprit peut aller plus vite encore. Donc, si on arrive à aller aussi vite que l'esprit va vite, on va dire qu'il y a une grosse performance quand même dans la qualité finale. Mais c'est vrai, je suis obligé d'avancer très très lentement dans l'exécution, dans ma performance musicale, parce que je n'ai pas la même qualité d'approche que dans ma tête, je crois. Parce que voilà, c'est comme moi, j'entends un groupe qui joue. J'essaie de repérer la basse, les basses fréquences, les hautes fréquences, les chœurs, les cuivres. J'essaie de faire le mixage de ce groupe, de ce concert que j'entends. C'est ça, c'est la possibilité de mixer et de se dire, ah ouais, j'aime bien comment les cuivres sont harmonieux dans ce concert. Voilà, ça c'est une possibilité de l'esprit de tous ceux qui écoutent de la musique. Donc on peut écouter ces instruments séparément. C'est pour cela ça sert que sert l'esprit. Mais finalement, donc quand on peut les écouter séparément, ça veut dire qu'aussi on risque après les avoir écoutés de cette manière-là de garder quelque chose dans la tête. Quand tu imagines maintenant, par exemple, un groupe, le groupe que tu as joué sur scène avec ton projet, par exemple, ceux que tu as présentés à Jazz à Ouaga, il y a la calebasse, il y a les chœurs, la batterie et tout ça. Quand tu écoutes un petit moment le chœur, tu l'entends? Dans toute sa sonorité. Pendant que qu'on est en train de jouer. Non, quand tu l'imagines maintenant. Imaginez le cœur. Oui, mais si on l'imagine, on est obligé d'imaginer la personne qui interagit musicalement avec toi. Et donc, on est obligé encore d'avoir le choix des gens qui ont joué cette morceau avec toi. Donc, si j'ai joué avec plusieurs personnes, il faut que je choisisse le moment qui m'a plu dans les plusieurs personnes qui ont joué le même morceau. Ok, Donc, disons, ouais, il ne faut finalement, pas compliquer les choses. Disons, la Stelbi voilà. qui a fait le cœur. Oui, elle a une voix qui reste, c'est sûr, qui imprime très très vite. J'ai vraiment des musiciens qui ont la voix qui imprime, c'est clair. Et elle a possédé cette loupe, cette boucle de tout de suite quand elle est rentrée. Et donc, c'est forcément une voix qui reste. Mais je crois que j'ai fait, quand j'ai choisi, je voulais choisir une chanteuse, elle n'était pas là, elle était au Sénégal. Et pourtant, il y avait beaucoup de gens que je pouvais choisir. Je lui ai écrit un mail, j'ai dit, bah, écoute, si jamais tu viens par Ouagadougou, je veux bien faire un projet avec toi. Elle m'a dit, bon, je vais peut-être arriver. Et quand elle est arrivée, on est parti tout de suite dans ce projet-là. Non, Donc, en fait, tu as eu cette imagination musicale Oui, de son timbre, de son timbre de de voix. ta voix. Oui, Ouais, parce que la première fois que je l'ai entendu chanter dans le studio de Golden Bees, j'ai dit, ça m'a tout de suite attrapé cette voix et j'ai fait quelque chose avec une première fois. Et j'ai écouté plusieurs fois et j'ai dit non, je veux encore faire quelque chose avec cette voix. Tu vois, c'est une sculpture, hein, je crois. Des fois, on est comme des sculpteurs, voilà, dans l'arrangement, de choisir un peu ce qui nous plaît. Voilà, cuivre, trombone, saxe, flûte, basse fréquence, tuba. Enfin, voilà, on se fait plaisir. Hein. C'est ça aussi. Hein. hier, on a déjà discuté un petit peu sur est-ce que ça existe l'original, parce qu'on vient de parler de mémoire, les choses qu'on a déjà écoutées, entendues dans toute notre vie musicale. Et finalement, on s'est dit, voilà, on fait des compositions originales, mais comme tu avais dit, il y a toujours quelque chose qui vient du passé. Oui, alors l'originalité pour moi dans la musique, c'est partir avec sa propre base, sa propre impression sonore primaire. Voilà, et se rassurer qu'on ne l'a pas pris dans une musique qu'on a entendue. Donc, c'est là où je reviens à l'histoire qui fait partie de la musique. Donc, si j'ai vécu une histoire et je me dis que cette histoire, c'est de la musique pour moi, je suis le seul à l'avoir vécu, donc je pars de cette histoire que je suis le seul à avoir vécu et je pars d'une musique qui est avec cette histoire imprimée et qui va développer quelque chose. Voilà, c'est vrai que on va développer plus ou moins une musique qui va nous rappeler aussi des musiques qui va nous rappeler aussi d'autres émotions. Mais pour moi, c'est ça l'originalité. La pluralité, la diversité de cette harmonie musicale, la musique celtique qui ressemble des fois, quand on écoute de la musique andalouse, on a l'impression qu'on est toujours dans la même histoire, mais pourtant c'est deux cultures différentes. Voilà, mais on est toujours dans le même timbre. On écoute des voix de Mongolie et on entend des voix zoulou ou de l'Afrique équatoriale. On a l'impression que ça se ressemble, que c'est la même histoire, alors qu'on est dans deux cultures différentes. Non, je crois que l'originalité existe et que cette originalité-là, elle est un ensemble de choses, d'arômes, de sensations qui s'ajoutent à la musique qui fait que on l'a entendu avec quelqu'un et sûrement pas avec quelqu'un d'autre, parce que la vibration du chanteur ou de la chanteuse, le timbre qui vibre avec est unique. On n'a pas les mêmes voix, donc on n'a pas peut-être utilisé la même mélodie, mais on ne peut pas avoir la même vibration. Si je prends un verre d'eau, dans le verre d'eau, je mets un peu de miel, si j'ajoute un peu de farine, si j'ajoute un peu de jus de tomate, si j'ajoute un peu, on va dire, du lait, et si je mets tout le temps tout ça ensemble, eh bien, si ce jus que je viens de faire n'existe pas et que personne ne l'a jamais vu, et quelqu'un va me dire, mais tu es malade, tu vas te faire malade. Tu vas te rendre malade, qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais ça veut dire que c'est une matière que j'ai créée qui. Peut-être, je vais l'utiliser pour pouvoir arriver à autre chose. Donc, on a forcément dans l'espace musical, tout ce qu'on est en train d'assembler sont une partie de chaque matière assemblée qui donne une matière qui n'a pas de nom. Et c'est ça que l'infini aussi de l'espace et du temps. On est toujours entre le début et la fin, et au milieu, on ne sait pas. Il y a quelque chose d'immatériel et d'infini, et on n'a jamais fini. Ça nous rappelle des choses du passé, du présent, et peut-être aussi, pourquoi pas, du futur. Apparemment, dans toute cette discussion, il y a toujours les arguments des droits d'auteur, des immenses discussions. Comment ça s'est passé avec ce qu'on a vécu? On prend des choses, on remix, on prend des idées, tout ça. Toi, des fois, tu dis, par exemple, dans le blues, dans le mandingue, tu dis que tu étais clairement dans cette tradition. Il me paraît que il n'y a pas vraiment cette discussion de droit d'auteur, parce que c'est une tradition et on veut développer cette tradition, ou de le porter et si jamais d'ajouter des choses, mais on vient avec cette tradition. Donc là, il me paraît qu'il n'y a même pas cette discussion de droit d'auteur. C'est vrai? Oui, ça existe, le droit d'auteur. Parce qu'il y a les compositeurs. Par exemple, si on prend tous les gens qui ont composé de la musique, ou qui dans la musique mandingue, par exemple, on a des musiques populaires, des musiques qui sont très très vieilles, mais qui ont leur interprète. Donc l'interprète le plus vieux qui existe ou qui a existé, et qui a une version de l'interprétation qui est diffusée, qui est la mémoire collective de la musique d'un pays. Ce sont des gens qu'on ne peut pas oublier, parce qu'à chaque fois qu'on pense à cette chanson, on a leur empreinte musicale qui a stigmatisé à un moment précis dans le temps cette musique qui va apprendre aux autres générations une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Chez nous en Afrique, on dit quand il faut toujours respecter la source, respecter les plus vieux, ce qui est ancien. On le respecte des anciens. Donc, si je prends quelque chose chez un ancien, je ne peux pas le nier que je l'ai pris avec lui. Je le reconnais, et si je suis persuadé que ce que j'ai pris avec lui m'a construit, m'a aidé à devenir quelqu'un, je ne peux pas refuser la paternité de ce que j'ai appris, du don que j'ai reçu. Alors, il y a un proverbe, une image en Afrique qui dit « Le vieux sage, il porte son élève, le jeune élève, sur ses épaules. Et il instruit son élève et dit à son élève, lève les mains vers le ciel et touche les nuages. Alors l'élève, il lève la main et il touche le ciel. Et il peut dire à son maître ce qu'il ressent. Parce que l'élève a touché le ciel, mais le vieux sage touche le ciel à travers son élève. Parce que si le sage n'a pas porté l'élève, l'élève ne touchera peut-être pas le ciel. C'est parce que tous les deux ensemble se sont élevés vers le ciel qu'ils peuvent avoir une sensation du ciel par rapport à l'élève qui le touche et par rapport au maître qui porte l'élève sur ses épaules. Voyez-vous. Voilà. Donc, le droit d'auteur, enfin, un mécanisme qui existe, qui permet à l'artiste d'exister, qui permet aux instruments de pouvoir se improviser à base de quelque chose, qui permet une histoire de continuer. Moi, je suis de la famille, dans ma famille, il n'y a pas de musicien, parce que dans ma famille, il n'y a pas de musicien. Mais ma famille, c'est une famille de commerçants. Donc, ce sont des commerçants qui se sont promenés partout en Europe, en Afrique, pardon. Donc, ils ont fait beaucoup de marchés pour vendre le sel, pour vendre la cola, pour vendre de la cotonnade. Ils ont fait tous les marchés. Ils parlent la langue, une langue liminaire pour pouvoir communiquer avec tous les marchés, à dos d'âne, avec des animaux, des ânes. Donc, déjà, si je parle de cette histoire, ce sont des commerçants qui n'ont pas eu de problème de langue ou de culture, qui ont fréquenté toutes ces cultures, qui les ont entendues, qui les ont épousées, qui se sont arrêtés pour vivre et qui ont continué leur route pour traverser depuis le Sénégal jusqu'au Burkina Faso. Il y a une longue route. Donc, et je trouve aussi qu'en tant que jeune artiste qui a le pouvoir de la musique, on doit aussi contribuer à perpétuer cette mémoire dans la modernité pour permettre aussi à ceux qui vont arriver, à une nouvelle génération, de ne pas oublier. On va vite écouter un morceau de Kanzai, qui s'appelle Warba. Je joue le Warba. Kabre kabre kabre tengaramba tisan kumpo tengan kere empa kapso bramba tengaramba kabre kabre kabre tutu tiaba tutu Atuna msungula wefo Kanankona biatira Ati sumfuda paratu wefo Kasandbe oranning wikelenga Wira kelma yenin kenga Wira kelma tenga taure Yusuka liulipende Tondbe oro liulipende Tondbe oro liulipende Kerala, Kerala, Waka, Kangilik lui au Kongo, Data Silman Bigan Zumangede, Mbao, Mbao, Pam no Tulum Ying Lamba, Bualam la, Pam no Masum Ying Lamba, Bualam la, Mbe Mamwa, King Rouwa, Sanra Yoloroa, Yolora, Yolopela was, Tumde Wandam Gyof Pim, Gimbon Rapim, Mui Kolopim, Dorungalam Pim. Kato kato Kato kato Raga ya beoe Raga ya beoe Gorinda raga ya beoe Akumbi toto, akumbi toto, akumbi toto. Tukku de bugulon shemana, tukku de bugulon shemana. Ta joué ngilgrara, ta joué ngilgrara. Bugum dim dol seko, bugum dim dol seko. Oeren dali kunde, Ouéran dali kunde Tarik bwem walma Tarik bwem walma Tumalam sakda Tantande tantambo wakim kumasi Dikum ligidon wap sensen atourdon wam Naya fouyen yelre Naya penyen tere Naya nwedyen nini Naya fouyen yelre Naya penyen tere Naya fouyen yelre Cabré Cabré tenga namba Tisan kompo tenga kede mpa kapso namba Tenga namba cabré Cabré Tutu tiaba tutu Atuna msungula wefo Tanan kona biatia Ati son bouda paratu e fo Ta sadbe o ronning oui kelanga Oui ra kelma yen kienga Oui ra kelma ten a taure Yon souka li ou li pende Tadbe o li ou li pende Yon souka li ou li pende Tadbe o li ou li pende Tadbe o li ou li pende On est toujours là, en live, en direct, Radio Panique, je voulais dire, Radio Pique-Nique. Depuis 11h, je suis là au studio pour faire un broadcast sur les thèmes de l'imagination musicale sur Radio Panique, Pique-Nique. Avec moi, j'ai Kanzai, musicien, guitariste, chanteur, artiste de Ouagadougou. On a parlé de la mémoire, de l'importance de la mémoire. Et ça fait 2 heures où j'ai parlé un petit peu sur les possibilités du militaire des États-Unis qui mettent beaucoup d'argent à ce moment dans la recherche des cerveaux pour les possibilités, pour checker les possibilités, comment effacer des mémoires. Comme des traumatismes des soldats et tout ça. Pour moi, un sujet assez horrible. Et justement, tu venais de parler de l'importance de la mémoire. La mémoire, mais en tout cas pour nous en Afrique, se souvenir de qui on est très important pour devenir... dans la vie, quelqu'un qui se rappelle de son identité. C'est une question d'identité. Bon. Mais maintenant, peut-être dans le monde moderne, peut-être que l'identité, ça renvoie à autre chose. Hein. C'est vrai que pour quelqu'un qui a souffert dans sa vie, dans sa tête, qui souffre, il faut peut-être le soulager. Bon, mais est-ce qu'avec la technologie, on peut arriver à le soulager en effaçant sa mémoire ou... Non, je pense qu'il faut... Je ne sais pas. Franchement, c'est un peu compliqué pour moi en tant que musicien africain de penser qu'on peut faire comme l'ordinateur, effacer donc quelque chose dans la tête. Non, ce n'est pas possible. Non, nous avons besoin d'imprimer de l'amour, d'imprimer de la vibration, d'imprimer du positif, d'imprimer des émotions qui nous tirent vers le futur. Donc, si on a vécu quelque chose dans la vie qui est difficile, au fait, on devra vivre la même chose, mais avec une autre émotion pour pouvoir justement remplacer cette émotion, cette marque, par une autre marque. Ça veut dire que c'est pas parce que aujourd'hui, si j'ai une déception avec dans ma vie, je dois oublier cette déception et me dire que je dois recréer moi-même une autre. Quelqu'un qui a perdu sa femme, il va toujours aller chercher une autre femme pour pouvoir réaliser dans sa tête, son bonheur qu'il a perdu. On dit une de perdue, 10 de retrouvée. Donc je crois que c'est une faculté de nous dans notre vie de pouvoir nous refaire nous-mêmes sans avoir besoin forcément de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, vouloir le faire comme on a construit, comme des gens ont construit l'intelligence artificielle avec l'ordinateur, c'est un challenge, mais à mon avis, on ne peut pas créer la foi. Kanzai, merci beaucoup de me joindre au studio aujourd'hui, ce soir. On va continuer avec la pièce radiophonique qui est déjà pré-produite, qui s'appelle Hirn Music, Brain Music, musique de cerveau, qui traite un peu le sujet de l'imagination musicale d'une manière fictive et aussi documentaire. C'est un peu un hybrid between a radio play and a radio feature. So, back in the Braincast at Radio Panique, Radio Picnic. Kanzai, merci beaucoup de venir et on va continuer le show ici au studio. Merci.